Chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr en direct du 94 MHz le lundi. Donc ça c'est pour le direct en herzien ou à partir d'internet du site de l'émission asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Vous pouvez y retrouver toutes les playlists ainsi que l'ensemble des podcasts depuis un an et demi, deux ans. Difficile de commencer cette émission sans un hommage au maestro Ornette Coleman qui nous a tiré sa révérence la semaine dernière, je crois que c'était jeudi le 11 juin. Il est décédé à New York le même jour très exactement que Christopher Lee. Les circonstances assez étonnantes. Ornette Coleman, saxophoniste légendaire depuis son disque initiatique Free Jazz de 1960, mais il avait commencé sur la côte ouest un peu plus tôt au milieu des années 50 avec un style totalement incroyable, d'ailleurs qui lui valait encore ces dernières années des sifflets de gens qui continuaient à conspuer sa musique, et pourtant il a croisé un sacré sillon, Mr. Ornette Coleman, parfois aussi à la trompette et au violon jusqu'à encore récemment. Alors, il sortait plus vraiment de disques ces dernières années, assez peu de choses. Le dernier était sorti, je crois, il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Mais il continuait toujours à pratiquer son schéma harmonodique qu'il a emmené avec lui dans la tombe. On va écouter une séquence pour démarrer d'une musique d'Ornette Coleman qu'on passe assez peu, la musique de son groupe Prime Time, avec un côté plutôt free funk qu'il a développé à partir de la fin des années 70 et aussi dans les années 80, principalement avec son fils à la batterie, souvent deux bassistes, deux batteurs, dont Denardo Coleman, qui l'accompagnait dans ce Prime Time pendant pas mal d'années. Et on va écouter le disque que j'adore, Virgin Beauty de 1988, sur lequel il y avait plusieurs invités, dont Jerry Garcia, le guitariste de Grateful Dead. On écoute Ornette Coleman avec ce Three Wishes, extrait de l'excellent album Virgin Beauty, lui qui disait « Beauty is a rare thing ». séquence ultra funky pour démarrer l'Asile le plus sûr, une fois n'est pas coutume, avec tout d'abord le prime time du regretté Ornette Coleman, qui nous a quitté il y a ça quelques jours, avec un extrait de son disque de la fin des années 80, Virgin Beauty, un disque assez surprenant, plutôt dans le mélange un peu rock funky et des harmonies d'une saxe dont il avait le secret. Ornette Coleman, à qui nous consacrerons un second hommage un peu plus tard dans l'émission, avec tout autre chose, un disque plutôt de l'époque milieu des années 60. C'était enchaîné avec High Wolf et son tout nouvel album Growing Wild, qui vient tout juste de paraître sur le label de Los Angeles Living Records, dont s'occupe le musicien Matthew David, issu de la scène du post-hip-hop. Donc c'est le grand retour de Max High Wolf avec un nouvel album long. Ça faisait quelques temps qu'on l'entendait moins sur disque. On savait qu'il tournait beaucoup dans le monde entier, mais depuis Kairos Chronos de 2013, il n'avait pas sorti beaucoup de choses avec son alias High Wolf. Peut-être qu'il était plus occupé avec Black Zone Mist Chant, qui est un de ses autres projets, avec lequel il vient aussi de sortir un second disque sous le titre Manet Tessel Ferres, qui est sorti récemment d'ailleurs sur Grava, qui est le label de Low Jack. High Wolf toujours très très occupé, et avec pour ce disque Growing Wild, un mélange de psyché afro-futuriste très très inspiré par les groupes d'Afrique de l'Ouest, la guitare malienne ou Touareg, ou encore certains styles assez dansants des musiques d'Afrique du Sud. Totalement différent de ce qu'il pouvait produire précédemment, qui était plutôt des musiques d'inspiration un peu psyché et avec des vibrations hindoues sur les bords. Max High Wolf, que j'ai rencontré d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est un Rennais, il sortait de la gare. Voilà donc High Wolf, que vous pourrez peut-être entendre aussi cette semaine si vous êtes à Paris pour deux soirées concert qu'il donnera jeudi 18 pour la Grava Night, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, donc soirée autour du label de Low Jack, fondateur des éditions Grava. Ce sera aux Instants Chavirés, où il se produira sur son alias Black Zone Mid Chant. Et vendredi 19, vendredi de cette semaine, il récidive cette fois-ci en tant que High Wolf pour le Barbès Beats Festival. Et je ne peux que vous recommander aussi de lire une très belle interview dans le magazine, dans le webzine Artzine, qui consacrait donc plusieurs colonnes, une interview assez fleuve à monsieur Max High Wolf. On enchaîne avec tout autre chose, et la musique de Sightings, le retour du trio de noise rock de New York City, Mark Morgan à la guitare triturée, John Locke à la batterie déstructurée et Richard Hoffman à la basse, et tout ça agrémenté de différents sons métal et aussi de générateurs de fréquences un peu triturés dans tous les sens. L'album s'intitule Amusers and Puzzlers. C'est le 9e album à ce jour de Sightings. Il semblerait que ce soit le dernier, si l'on croit ce qu'on peut lire un peu partout. Il aurait été enregistré dans la même session que le précédent Terrible Well, en un seul jour au printemps 2013, et donc apparemment il marquerait la dissolution du trio Sightings, à moins qu'ils aient envie de remettre un petit coup de leur noise punk assez énervé. On va écouter le titre qui démarre ce Amusers and Puzzlers de Sightings, le morceau Counterfeited. Yes. une triplette de titres enchaînés, de titres plutôt industriels sur les bords dans l'Asie de Psure, qui a démarré avec Sightings et leur dernier album. Il semblerait que ce soit leur dernier opus qui referme un peu l'histoire du trio new-yorkais. Il s'intitule Amusers and Puzzlers. Il est sorti sur l'excellent label américain Days Records, qui est un label qui coexiste à la fois sur la côte ouest à Los Angeles par l'entremise de J.B. Miller et à New York grâce aux bons soins de Ryan Martin. C'est un label qu'on suit depuis quasiment les débuts dans cette même émission qui s'est surtout consacré dans la défense et l'illustration d'une certaine noise avec des rééditions de choses des années 80 ou d'artistes de cette époque. Il y a même eu des archives des gens de Strobing Crystal, de Genesis Peorich par exemple sur ce label, ou encore de Mauricio Bianchi. Et ces dernières années, ils sortent pas mal de choses dans la noise un peu nouvelle. On a entendu notamment ces dernières années par exemple la musique de Thor Lundvall qui est sortie récemment, et donc Sightings avec ce Amusers and Puzzlers qui était enchaîné avec le dernier album de SOTE qui s'intitule Arrhythmia, un exercice dans l'arythmie, peut-être arythmie cardiaque, par monsieur Atta Eptekar, qui est un musicien d'origine iranienne qui apparemment a grandi en Allemagne et qui est basé aux États-Unis depuis quelques temps, et qui avait sorti pas tellement de disques à la finale, puisque le premier était sorti en 2002 et celui-ci doit être le cinquième ou le sixième. Il avait démarré sur Warp Records. Il a sorti aussi un disque qui était très bon, je crois qu'on l'avait passé aussi dans l'Asie le plus sûr. C'était sorti chez Morphine Records Architectonique l'an dernier, et c'est vrai qu'on pense pas mal à une musique un peu façon écurie Morphine Records, notamment la musique au synthé analogique produite par Charles Cohen, qui a sorti pas mal de choses sur Morphine Records, un disque beaucoup plus industriel, beaucoup plus fracturé pour SOTE, avec ce Arrhythmia qui est un disque qu'il a sorti uniquement en téléchargement sur Record Label Records, et c'est plutôt très bon, la musique de Atta Eptekar. Et on a terminé avec un 45 tours et le retour des Danoises Self Hunter et ce titre New Age, qui a d'ailleurs un très très beau clip sur YouTube, sorte de gymnastique rythmique un peu inquiétante pour ce clip qui accompagne la musique de Self Hunter. Il s'agit de la face B d'un split 45 tours en compagnie du légendaire groupe ZX, qui eux se sont fendus d'un titre qu'ils jouent depuis quelques années sur scène, The Top of My Lungs, et c'est sorti ce 45 tours sur le label Jutland, qui est un label évidemment nordique qui sort plutôt des choses un peu de jazz free et aussi de noise, la musique de Mads Gustafsson par exemple. Et donc c'est un très très bon titre pour prolonger le disque qu'elles ont sorti, les Self Hunter, à la fin de l'année 2014, sous le titre Motions of Large Bodies, qui est un disque nettement plus joyeux que ce titre qu'on entendait, New Age. On va continuer avec une séquence d'impro avec un trio qui réunit Fred Friss, le le guitariste, avec un camarade de longue date, le percussionniste batteur d'origine suisse, Freddy Studer. Et ils sont en compagnie d'une pianiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Katharina Weber, qui est une sorte de virtuose du piano improvisé, assez chatoyant. L'album s'intitule It Rolls. Il est sorti sur l'excellent label de la pianiste, elle aussi, Irène Schweitzer, Intact. Alors le titre, évidemment, est en allemand et totalement imprononçable par votre serviteur. Je me contenterai du nom de l'album, It Rolls, donc ça devrait rouler. Thank you.

Une séquence d'improvisation libre et complètement non idiomatique avec deux séquences qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Tout d'abord le trio entre Katharina Weber, Fred Fries et Freddy Studer et l'album It Rolls, plutôt une musique assez classieuse avec beaucoup d'harmoniques, un jeu sur les résonances, le silence et le mélange des sonorités entre la guitare, les percussions de Freddy Studer et les couleurs assez incroyables du piano de Madame Weber, et s'était enchaîné avec un disque qui lui était beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus riche, un quartet entre Isabelle Dutoit à la voix et aussi à la clarinette, le trompettiste Cardeton d'origine autrichienne Franz Holzinger, la joueuse de synthé modulaire Matija Schellander, qui est basée à Vienne, et le trompettiste qui joue sur à partir de haut-parleurs vibrants aussi Petr Vrba, qui lui est d'origine tchèque, très très dur à prononcer ça, Petr Vrba, qui est un vétéran qui a commencé il y a déjà pas mal d'années. Je crois qu'il a même beaucoup étudié l'art et la musique indonésienne à Jakarta. Il a improvisé un peu avec le wuzhou, des musiques improvisées européennes, notamment ces dernières années Xavier Charles ou encore, mais là s'agit-il vraiment d'un Européen, Seijiro Murayama. Donc le disque entre Madame Dutoit, Monsieur Holzinger, Madame Schellander et Vrba s'intitule Aesox Lucius, excusez du peu. Donc c'est sorti sur un label berlinois qui répond au nom de Corvo Records, c'est distribué par Metemkin. Excellent 33 tours qui vient de sortir sur ce label, qui a sorti pas beaucoup de choses encore. C'est un jeune label qui a 4-5 ans, et il y a aussi une version CD de ce disque d'ailleurs, Aesox Lucius. Ils ont sorti notamment un disque entre Axel Dörner et Jassem Hindi, ou encore un disque dans lequel on retrouvait Monsieur Gino Robert aux côtés de David Fennec, un label qui s'intéresse un peu à toutes les musiques de traverse et improvisées européennes. On va continuer avec une musique un peu à l'avenant, et là il s'agit du label Bicoc, dont on vous a déjà pas mal parlé dans les îles obscures, qui est basé entre Reims et Lille et qui existe lui aussi depuis assez récemment, depuis le début de l'année 2013, et qui sort des choses très très intéressantes, tout autant dans le free rock que dans les musiques jazz et contemporaines. Et là c'est plutôt de jazz contemporain qu'on va parler, et avec un quatuor quatuor d'Orléans que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Wallabix. Quatuor assez étonnant puisqu'il mélange saxophone, deux sax, violoncelle et batterie. Et ils ont eu la bonne idée d'inviter Monsieur Bart Maris, que je connaissais absolument pas non plus, pour tout vous dire, avant ce disque, qui est un trompettiste bugliste, trompette piccolo et trompette bugle d'origine belge. Et ça fait un mélange plutôt un peu entre musique nouvelle et jazz contemporain, cette rencontre entre Wallabix et Monsieur Maris, dont on va écouter un extrait tout de suite, le titre « Ici-bas ». Thank you. Thank you. Vous êtes toujours dans l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz ou à partir du site de l'émission asile35.blogspot.fr. On a entendu tout d'abord la rencontre entre le quatuor d'Orléans Wallabix qui invitait le trompettiste Bart Maris sur un disque éponyme. Wallabix invite Bart Maris, c'est sorti sur l'étiquette hexagonale Bicoc, le petit label français qui monte, qui sort des choses plutôt très très intéressantes. Et c'était enchaîné avec la musique du regretté Ornette Coleman, qui nous a tiré sa révérence il y a de ça quelques jours, à 85 ans. Il venait juste de fêter et de souffler ses 85 bougies. Et on entendait un disque de l'époque du milieu des années 60 avec son trio, on pourrait dire assez classique, avec le bassiste David Isenson et le batteur Charles Moffett. Ensemble, ils avaient sorti pas mal de choses, à peu près entre 64 et 67. Notamment, il y avait eu des lives at the Golden Circle de Stockholm, qui sont assez légendaires. Mais là, il s'agissait de la musique du film belge Who's Crazy, un film tourné en 1965 et qui avait vu une bande son du trio d'Ornette Coleman l'année suivante. C'est à peu près à l'époque aussi où Ornette Coleman commence à développer son concept d'improvisation collective totale et commence à collaborer avec pas mal de gens, notamment le Living Theatre Company de New York. Il avait été aussi invité à contribuer au film Chapaka Suite de Konrad Rook, une musique dans laquelle on pouvait retrouver d'ailleurs Ornette Coleman, tout autant au sax alto, son instrument de prédilection, qu'à la pocket trompette ou au violon, lui qui était totalement autodidacte et qui avait aussi dirigé des orchestres symphoniques, notamment pour le fameux Skies of America, musique très très toujours très très inspirée et totalement free et libre, la musique de Ornette Coleman, dans laquelle je ne peux que vous conseiller de vous replonger. On va enchaîner avec le trio Universal Indians qui réunit deux Norvégiens, la section rythmique John Runestrom à la basse et Tolem Horstvand à la batterie, qui sont des gens qu'on a pu entendre dans différents projets, notamment All Included ou encore Friends and Neighbors, qui d'ailleurs a été un titre de Ornette Coleman, si je ne m'abuse. Et dans ce trio, ils sont rejoints par l'Américain qui vit aux Pays-Bas et qui joue dans Cactus Truck, monsieur John Dickeman. Ils avaient fait paraître un premier album en 2012 sur le label américain Stone Floor Records, qui était vraiment très très bon. Ils viennent de récidiver sur la marque portugaise Clean Feed avec une rencontre en compagnie de monsieur Joey McPhee, qui lui aussi joue de la pocket trompette et du sax. L'album s'intitule Skull Dutchery. Il a été enregistré à Anvers au mois de juin 2014. Alors, ce sont des très très longues pièces. Je propose d'écouter un extrait du titre qui démarre cet excellent disque de Universal Indians with Joe McPhee, l'album Skull Dutchery. Et le titre qu'on va pouvoir écouter en partie, c'est Yeah And. Thank you. Thank you. Universal Indians, le trio norvégiano-américano-batave qui tire son nom du fameux disque de Albert Heller de 1967 qui était rejoint par le saxophoniste et trompettiste Joe McPhee, le vétéran Joe McPhee qui s'adjoignait le trio Universal Indians pour ce disque seul Skull Dutchery qui vient tout juste de sortir sur étiquette Clean Fit. Excellent disque de jazz free, 4 pièces, 3 qui font plus de 10 minutes, dont celle-ci, Yeah and, point d'interrogation. Et effectivement, c'est difficile de savoir la suite de cette interjection. On va se quitter avec un disque assez étonnant de monsieur Oren Ambarchi, qu'on connaît principalement comme guitariste et différents projets Noise, qui a conduit, qui a fait une conduction, comme on dit, d'un ensemble de musique contemporaine et classique. C'est un disque qui vient de paraître sur son propre label Black Truffle Records sous le titre Sleep Walker's Conviction, une musique assez atonale. On retrouve un peu le côté noise de la musique de monsieur Ambarchi et des tonalités contemporaines et classiques, ce qui est assez inhabituel pour l'Australien. Le disque donc s'intitule Sleep Walker's Conviction, donc ce sera une très très belle conclusion pour s'acheminer vers une nuit très très agitée peut-être pour vous. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous rappelle juste que les playlists et les émissions sont écoutables sur le net à partir du site asile35.blogspot.fr. Très belle semaine à vous. On écoute ce disque de Oren Ambarchi, Sleepwalkers Conviction.